Thank you. Dans la cave. Non, non, non, j'ai dit. On était par contre, c'est le squat. Ah oui, c'est le squat. Quand tu fais 40 dehors, c'était du peu frais. Ah là là. Mais évidemment. Ça va trop bien, ouais. Oh. Après, il était 16h. Ouais. Oui, bah non, c'est pas encore là. Ça fait à peine une heure qu'elle a dit qu'elle arrivait dans 1h30, 1h45. Et il faut rajouter peut-être un peu de temps dedans, parce que bah, c'est normal. C'est... Uf, okay. Tu peux jouer comme ça. Essaye. Ooh, bottom guitarist. Ah, oh, what's this? Thank you. par un truc de ouf. Oh. Tu peux faire thank you. crado, tu t'es bavé dessus. Bah. Oh. T'as pas à branler ta guitare. En même temps, qu'est-ce que je... Non, ça me... Pour la vanne est à sa nuit, tout seul. Oh. Vraiment, moi quand je dors. Et là, je prends les paillettes, ça. Je suis désolé. Oh, c'est horrible. Oh, les gars, mais c'est pas fini. Waka waka waka waka waka waka. Ça, c'est aussi Shakira. Waka waka. Ça pourrait être un solo de death metal là. Mais oui, mais on dirait grave les solos de. Des trucs de tech death là, genre de. Rings of Saturn. La même chose. Il était trop fort. Trop fort. Trop fort. Bonsoir. Ça pourrait être un solo là-dedans. Vas-y, en vrai, vas-y. Deux. C'est smooth, ça. Ouais, mais genre, mais par contre, putain, son fake, tout. Ça c'est bête. C'est du alien. C'est du alien core ou. C'est pas. Bah en fait. C'est des solo guitare pro quoi un peu. Et qui enfin après ils font des takes genre super lents. Mais genre. Si t'écoutes juste. le solo quoi, genre c'est un truc bizarre. Juste la batterie est fake aussi, ça s'entend. Enfin au moment il y a beaucoup de trigger quoi. C'est trop fou la batterie, c'est trop cool. Mais oui, en vrai c'est cool. Ouais, c'est cool, t'as vu? J'aime bien, ouais. Ouh! Il y a un truc qui s'appelle Buried Alive aussi, c'est pareil. Ah. Ça vient à dire, il est en plus. Trop stylé. Ouais. On dirait vraiment genre. Un égout. N'importe quoi. J'aime trop la guitare aussi. Oui. La batterie c'est incroyable, tu vois. Tu peux faire son bruit là. Et même avec juste le pédale, genre je sais pas comment il est. Non, ça doit défoncer les pédales. Il n'y a pas moyen, c'est vrai. Je pense que si t'as une bonne technique double pédale, tu peux faire des doubles kicks avec tes deux pédales. Ça, la guitare, ouais, est cool. Mais ça, c'est plus vrai que l'autre. Le guitariste là, il fait genre des takes. C'est facile, hein. Voilà. Ladies and gentlemen, it was a cold-blooded, premeditated murder. La guitare. Yeah. sang là, il est. Wow. Ouais, ça se fait pas, bon. Ouais. I'll be listening to that. Ouais. Attends. J'ai oublié qu'il y avait cette partie qui va arriver jusque là. Yes. Ouais, donc c'est tout qui m'est aussi résolu. Je vais faire la batterie, ce morceau là. J'ai besoin d'un thank you. C'est quoi pour le nouvel an? Bonne nouvelle, travail. Ah ouais. Le 31 et le 1er. Toi? T'as un truc à faire? J'ai jamais trop fêté genre de choses. Ouais. J'avais pas trop d'amis avec qui faire ça. Et où? Salut. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Ouais, ça vient, ça vient. Franchement, j'ai essayé de chauffer Nassia à venir pour qu'elle joue la basse, mais elle est là en ce moment. Ah mais oui, on était censé se voir en plus. Je voudrais pas passer. Ouais, je voudrais bien. Bah en vrai, tu peux. Ouais, je voudrais c'est trop. C'est juste, c'est grave la dawa chez moi. J'ai un cadeau pour toi. J'ai un cadeau oh pour god. Toi. Ah ouais mais c'est non trop... Oh my god, mais c'est trop mignon. C'est trop gentil. Oh my god. Genre je... Mais en fait, le problème, c'est plus le temps pour donner un cadeau de parce que j'ai pas pris avec moi, là. Ah, ok. Et j'aurais voulu faire vrai. Un truc, organiser un truc avec tout le monde chez moi, mais en fait, c'est trop le bordel, je peux pas. Tu fais quoi pour le nouvel an? Bah, je vais fêter avec Attila, hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est toi, vrai. Tu fais quoi? Je sais pas, puisque j'ai une pote des États-Unis qui vient me rendre yes. visite. Attends. Oh, elle est trop mimi, elle est trop petite. Elle est toute riquiqui. Et regarde le headstock. Ah, c'est trop cool. C'est trop stylé. La vraie question, c'est... Est-ce que vous avez... Ou est-ce qu'il y a ici... Une alimentation pour ça. Ah, le looper. Ouais. Je pense que chez moi j'en ai peut-être un, mais pas ici. Moi. Tu peux me brancher ? Mais je suis sûr que. Pas chez moi non plus. Après, tu veux ouais, moi, des piles là. Ou une batterie. Je peux me brancher ? Ouais, carrément, t'as un câble. Ouais. Ouais, il est trop cool. Oh, c'est trop cool. Bien de te voir. Ouais, pareil, ça fait du bien de te voir. C'est grave. Enfin, en Noël quoi. C'est quoi mon câble lui? Je pense que c'est. Mais c'est pas avec une alim. Hein? Ça va pas avec une alim le looper? Ah non, c'est normal. Non, non, c'est normal juste. C'est juste que c'est mon frère qui m'a passé, il a pas dû l'inclure. Il va bien ton ref? Oui, il va bien, ouais. J'ai beaucoup joué à. Grand Turismo avec lui. Trop bien. Okay. T'as passé une bonne fête? Alors, comment vous ça? Ouais, et vous? Ouais, c'était bien, mais c'était fatigant, je suis trop claqué. Je peux me brancher là? Je crois. Moi perso j'étais aux aimants, j'ai trois des méthodes et genre on a passé la soirée ensemble. Okay. C'est tout. En vrai c'est mimi. Ouais. De quoi? J'avais rien prévu vraiment. Qui a tendance à avoir plus de basse que début. Ouais, après pour les basses. Parce que j'ai pas d'EQ sur la basse, enfin sur l'enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Rigole. J'ai un petit morceau de.